Tous deux, ils s'endormirent dans le même rêve, et Charles commença dès lors à jeter quelques roses sur son deuil. Le lendemain matin, Madame Grandet trouva sa fille se promenant avant le déjeuner en compagnie de Charles. Il était facile de voir dans les manières, sur la figure d'Eugénie et dans la singulière douceur que contracta sa voix, une conformité de pensée entre elle et son cousin. Vers 5 heures du soir, Grandet revint d'Angers, ayant eu 14 000 francs de son or. « Je reviens d'Angers, ma femme, dit-il. J'ai faim. » Nanon le cria de la cuisine. « Est-ce que vous n'avez rien mangé depuis hier ?»« Rien, répondit le bonhomme. » Nanon apporta la soupe. Desgrassins vint prendre les ordres de son client au moment où la famille était à table. Une conversation s'établit entre eux, d'oreille à oreille, pendant laquelle Desgrassins et Grandet regardèrent Charles à plusieurs reprises. « Monsieur Grandet, dit le banquier à Charles, je pars pour Paris, et si vous aviez des commissions à me donner ?»« Aucune, monsieur. Je vous remercie, répondit Charles. » « Remerciez-le, mieux que ça, mon neveu. Monsieur va pour arranger les affaires de la maison Guillaume Grandet. »« Y aurait-il donc quelque espoir ?» demanda Charles. « Mais, s'écria le tonnelier, avec un orgueil bien joué, n'êtes-vous pas mon neveu ? Votre honneur est le nôtre. Ne sommes-nous pas des Grandet ?» Nanon, Madame Grandet, Eugénie s'examinèrent mutuellement et en silence. La joie du vigneron les épouvantait toujours quand elle arrivait à son apogée. La soirée fut bientôt finie.